Vous voulez vraiment qu'on parle de ce qu'on disait hors antenne ? Non, on disait juste que donc le choix d'un titre est extrêmement important. Et juste un mot. Moi, j'ai choisi mon titre pour que ce soit Internet. C'est-à-dire que j'ai choisi des mots qui sont des mots-clés et que quand les gens cherchent, wow, ils trouvent du animation, propagande, dessin animé, Seconde Guerre mondiale, Disney, France, 20 ans, Euro Disneyland. J'ai réfléchi pour que... Tout ça dans le même livre. Pour que quand on tape sur un moteur de recherche, on arrive à tomber sur le sujet. Est-ce qu'on peut venir voir ta thèse ? Le 15 février 2012, c'est l'émergence public d'une école du dessin animé sous l'occupation. Donc, on disait à l'antenne, l'obsession rofacienne. Je ne sais pas si on peut dire ça. Non ben, si tu veux, ah, pourquoi tu pas. Peux lancer le terme. Le terme de l'obsession de cette période de l'occupation. Il va nous dire plein de choses. Pourquoi on viendrait ? Qu'est-ce qui va être important ? On va savoir quoi ? Tu vas nous dire quoi de croustillant ? Je suis pas sûr que ce soit très croustillant. En tout cas, c'est ouvert au public. C'est salle Bourjac, 17 rue de la Sorbonne. Et normalement, n'importe qui peut venir assister à la... C'est une soutenance. En fait, on défend sa thèse. Hein. Donc, vous êtes attaqué par 5 membres du jury. Donc, on est attaqué. Il faut défendre ses idées. Et voilà. Et on va apprendre des choses. Ben, je ne sais pas. J'espère. En tout cas, j'ai lu les pré-rapports qui me sont arrivés hier. Et voilà, ils sont plutôt positifs. Donc, je suis... Ah non, donc ouais, donc personne ne va te voilà combattre, mais si, justement. Donc ça tombe bien parce que pour Stéphanie, j'ai déjà, donc vous êtes toujours à Bulle de Rêve, bien sûr, toujours sur Radio Libertaire, toujours 89.4, toujours sur internet, toujours 0143 71 89 40. Parfait. Je pensais que tu allais le faire avec 0143 71 89 40. Une très belle voix, un peu fatiguée, mais oui, elle l'a faite quand même, donc c'est bien. Est-ce que l'envie d'écrire, Stéphanie, le livre vient, alors, j'ai pas tout vu parce que malheureusement il y a certaines choses, vient du film juste avant, Ready Made, qui est sous-titré, j'ai vu souvent l'appeler seulement Ready Made, et qui est sous-titré Émile Reynaud et la peinture s'anima, qui date de 2010, que tu as fait donc en 2010. Est-ce que le bouquin, ou non, de toute façon, comme tu nous l'as dit, c'était un bouquin de recherche, donc c'était déjà entamé bien avant? Alors oui, le livre était entamé bien avant. Parce qu'on met beaucoup de temps à écrire un livre. Ceci dit, ces deux objets que sont le livre et le film, donc le film qui s'appelle Ready Made, Émile Reynaud et la peinture s'anima, et le livre qui s'appelait La peinture animée entre peinture et cinéma, auquel il a été rajouté un appendice essai sur Émile Reynaud, parce que je traite énormément d'Émile Reynaud dans ce livre. Donc tous deux sont issus de la même période. Une longue période de plusieurs années. Voilà, donc le film est venu après et puis pendant. Et... C'était quoi quand on fait d'abord... alors, c'est ça qui vient aussi avec Internet, c'est quand on ne connaît pas tout, il suffit d'aller des fois sur les sites. Ou de... Mais bon, donc, c'est quelque chose que tu as dit, quand on est initié à la peinture assez jeune, quand on va faire du cinéma aussi... Moi, par rapport au livre, par rapport à cette recherche, est-ce que c'était quelque chose qui était une obligation de faire cette thèse ? De toute façon, tu étais dans le milieu étudiant, enfin voilà, tu devais faire cette thèse et tu t'es dit ça tombe bien, ça va tomber avec des obsessions que j'ai depuis longtemps, ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de se dire bon allez ? Il y a une vraie démarche, en fait, il y a une vraie démarche qui part pas du tout du milieu étudiant, qui part de ma pratique de plasticienne, en fait. Je fais de la peinture, animée, et j'avais vraiment envie de pouvoir organiser un discours théorique autour de mon œuvre, en fait, de pouvoir en parler avec un vrai discours. Parce que, et notamment dans l'art contemporain, c'est important. Et c'était important pour moi de faire ça. Voilà, ça c'était l'idée de base, et puis c'était une idée qui est arrivée comme ça très vite et qui a demandé de nombreuses années pour s'épanouir. Alors si on regarde, on va pas faire, l'idée était de pas dépiauter, pour parler un mot horrible, de le livre, et pour un petit peu, c'était juste pour qu'essayer de que les gens peut-être et cette envie aussi de l'acheter et de voir un peu l'angle d'approche par rapport au livre. Il y a toute une structure du livre. Donc j'ai repris la structure du livre. Il y a avant Émile Reynaud. Il y a toute une grande partie sur Émile Reynaud, sur le livre. Donc c'était une évidence de partir là-dessus. de partir déjà sur ça. De partir sur Reno, ouais. Dans un livre sur la peinture animée, ouais. C'est devenu une évidence très vite. Après, c'est un choix, c'est-à-dire que Émile Reno, c'est le cinéma d'animation sans conteste. Est-ce la peinture animée ? Ça, c'est pour moi sans conteste aussi, mais voilà, c'était un choix de ma part. Et effectivement, Reno est venu... vite et a pris une grande place. C'est-à-dire que ce qui n'était pas prévu, c'était d'être amené à lui consacrer une aussi grande place dans cet ouvrage sur la peinture animée. Oui, parce qu'on sait peu de choses. Enfin, les béotiens, ceux qui connaissent même un peu l'animation, oui, on sait 1892, on sait, les films sont disparus et les films qu'on a maintenant sont les films qui ont été refait par la suite, donc... 1892, oui. Et avant, hein, mais c'est vrai avant, que c'est cette date... Tout à fait. Mais en fait, effectivement, il y a des livres sur Émile Reno, il y en a plusieurs, ils sont assez passionnants. Le personnage est absolument... touchant, riche, autant de par son œuvre que de par sa vie. J'ai essayé de travailler uniquement sur son œuvre et surtout j'ai essayé d'apporter une vraie contribution dans mon étude d'Émile Reno, qui avait donc déjà été étudiée, en abordant de manière approfondie tout l'aspect plastique et artistique de son œuvre, parce que c'est un personnage qui, de par ses inventions techniques du praxinoscope, du théâtre optique, qui avait été très étudié de manière technique, voilà, en se concentrant sur ses inventions. Et finalement, j'ai trouvé qu'il manquait une étude sur l'apport artistique qu'il avait, voilà, sur son apport artistique. Est-ce qu'il y a un fait du destin qui est terrible, du fait que on retienne maintenant Émile Cole et donc son dessin animé plutôt qu'Émile Reno et sa peinture animée, et que finalement l'animation pendant des années était plutôt du dessin animé que du film d'animation, du film image par image, quel que soit, on va en reparler après des distinctions entre peut-être peinture animée, animation de peinture, ce genre de choses, mais déjà ça, est-ce qu'on peut se dire, alors c'est faire de la fiction, mais que là on a quelque chose d'important au niveau de historique par rapport à ce qu'on fait l'animation. C'est-à-dire que pendant des années, ça a été avant tout du dessin animé. Et que si Émile Reno avait peut-être tenu, avait continué, on aurait peut-être vu autre chose artistiquement. Alors, Alexis, est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, parce qu'elle est très riche, il y a plusieurs questions. L'idée... Moi, par rapport à ce que je dis, c'est que Émile Cole... Sébastien me connaît bien, donc c'est pour ça qu'il a plus l'habitude des phrases un peu... Émile Cole a été mis en avant, vraiment, et alors, c'est pas une obsession, mais vraiment, sous le régime de Vichy, dans les années 40. Et Émile Reno n'a pas du tout été choisi parce que, sous l'occupation, on a mis en avant le dessin, plus que la peinture, voilà, le trait. Et du coup, on a créé le prix Émile Cole, et pas le prix Émile Reno. Et c'est vraiment, à partir des années 40, où on a beaucoup, beaucoup parlé d'Émile Cole. 1936, l'eau du cave fêtait les 30 ans du dessin animé, et on ne parle pas du tout d'Émile Reno. Quand on compte plus de 300 articles sur cinéma d'animation, Émile Reno apparaît 4 fois, 5 fois. Donc c'est vraiment une mise en avant du trait, du dessin, voilà, en fait, plus que c'était ça. Moi j'allais rebondir, mais j'étais pas sûre d'avoir saisi ta question sur cette différence tout simplement que l'on fait entre le dessin animé et la peinture animée. C'est-à-dire que après tu me demandes si c'est un trait du destin, si c'est j'ai fait de la fiction, j'ai fait une espèce de science-fiction comme ça, et de me dire le dessin a gagné sur la peinture. Est-ce que en effet tu parles en effet à juste titre du pouvoir artistique et de la force artistique d'Émile Reno, et je me dis, est-ce qu'on aurait pas été vers autre chose et que finalement cette peinture va perdre, pas le combat, mais quasiment à ce moment-là? Non, je ne pense pas, tout simplement parce que le graphique et le pictural sont deux choses différentes, que le dessin permet d'arriver à certaines expressions et que la peinture permet d'amener d'autres atmosphères, d'autres univers. C'est pas le même langage, en fait. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un langage pour ça? Donc pour moi, il n'y a personne qui gagne ou qui perd. Il y a deux choses qui cohabitent, qui coexistent. Est-ce qu'elles cohabitent réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, est-ce que la peinture animée, sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, encore une fois, on va vite en reparler, est quand même beaucoup moins présente que le dessin, que le trait, que la forme et que ce genre absolument, de choses. Absolument, elle est moins présente, mais est-ce que pour autant elle est inexistante et est-ce qu'elle ne peut pas cohabiter? Moi je pense qu'elle a toujours été là, c'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire que depuis Renaud, puisqu'on parle de lui, la peinture animée n'a eu de cesse que d'être là de manière, voilà, avec parcimonie, mais a toujours été là. Je pense que c'est aussi une pratique, un art assez assez rare qui demande très minutieux et qui demande qui impose un rythme de travail et une somme de travail bien plus grande que pour le dessin animé, et que c'est en cela qu'on peut trouver une explication à cette rareté en fait. En quoi c'est plus Ça pourrait prendre plus de place que, ou même que la marionnette, on en parlait. Ça prend pas Sophie. Forcément plus de place, hein, plus parce de que temps, ça peut, pardon, plus de temps. Plus de temps. Alors, il existe différentes techniques, hein, pour parvenir à ce que j'appelle de la peinture animée. Il en existe certaines qui sont vraiment, donc on est dans de l'image par image, dans du frame à frame, où on va tout refaire. On n'est pas dans le dessin animé où on va séparer, je donne quelque chose de très schématique, où on va séparer le fond du personnage et puis faire bouger juste une main avec un tout petit trait et c'est fini. C'est-à-dire que là on est vraiment dans une touche de peinture qui va impacter le support de manière bien moins précise et j'ai envie de dire automatique que dans le dessin animé. Et puis surtout, le dessin animé, il a été relayé par les nouvelles technologies, alors que la peinture animée, encore une fois au sens où j'entends la peinture animée, reste très, très artisanale, ce qui explique aussi le temps qui doit lui être imparti. Je comprends ce que tu veux dire au niveau technique. Je me demande quand même s'il n'y a pas derrière, c'est une question, mais aussi un rapport au public. C'est-à-dire que est-ce que le rapport au public n'est pas plus facile? Et on sait bien, enfin voilà, le public va plutôt aller vers une facilité. Hein. Pas une méchanceté. Enfin voilà, on peut tous le faire vers quelque chose de lisible, de plus lisible. J'allais parler de lisibilité. Voilà, que de la peinture. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Si, tout à fait. On peut parler de lisibilité, oui, il y a absolument de cela, puisque on le voit dans la peinture, même sans qu'elle soit animée, hein, il y a toute une part de peinture abstraite qui est moins lisible, moins accessible, donc on va pouvoir développer toute cette partie d'abstraction et parfois des univers un peu abscons comme ça qui ne sont pas tout de suite accessibles en peinture animée, donc effectivement on peut dire ça. Et ce qui est un petit peu dommage, est-ce que ça prouve pas, et c'est pour ça que je voulais en venir maintenant, on va revenir, on va raccrocher les wagons, et ce sera plus compréhensible par rapport à ma première question, ma première phrase, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, alors, mais à l'époque aussi peut-être, c'est pas nouveau, c'est peut-être une partie un peu plus large du public, on va dire, perd cette idée d'imagination. Il y a cette fameuse phrase de Jean-Claude Meyer qui dit que on a tendance à pousser l'imagination hors des films et hors du cinéma parce qu'elle mène l'impossible avant le réel, finalement. Et est-ce qu'on n'a pas cette inquiétude? On va avoir un cinéma qui va de plus en plus vers le réalisme, et en animation aussi, et que finalement, c'est une perte, quelque part. Et je comprends, hein, la peinture animée là, est très présente, mais que finalement, si on devait dire quelques noms connus aujourd'hui, on en aurait beaucoup moins que de la marionnette. Et que même, on va stigmatiser sur un nom qui est McLaren, par exemple, alors qu'évidemment, Len Lai ou Fischinger ont travaillé bien avant lui et plein d'autres, et qu'on va stigmatiser comme si on avait besoin de ce nom-là, alors qu'en marionnette, on va Trenka, Kawamoto, bon, Jean-Claude Meyer un peu plus tard, etc. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des je ne sais pas, donc je pose la question à Sophie. Est-ce qu'il y a un ouvrage sur le cinéma d'animation de marionnettes? À ma connaissance, non. Il y en a eu un récemment, oui, qui a été fait par Barry Purves. Ah oui, donc voilà, autre grand monsieur de l'animation, mais qui est récent. Qui vient de finir un film, d'ailleurs. Et qui vient de terminer, en effet, Plume, et qui a fait, au passage, un livre sur la marionnette animée, qui doit être le premier. Je ne connaissais pas, en tout cas. Ouais, c'était juste un élément de réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, Le terme peinture animée déjà interroge beaucoup. Moi, je me suis interrogée dessus aussi. D'ailleurs, il a fallu choisir un titre et puis une expression, un mot pour désigner ce dont j'allais parler et ce sur quoi allait porter ma recherche. Ça aurait pu être autre chose. C'est intéressant aussi de voir les correspondances en anglais à ce niveau-là. Finalement, comme il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de définition, quel corpus d'œuvre, quelle définition, qu'est-ce que ça recoupe, qu'est-ce qui entre dans la définition, qu'est-ce qui en sort, ce sont les problématiques que je me suis posées et que je vous propose de partager. Et finalement, oui, parce que tu englobes, quelle est la différence pour toi et est-ce qu'il y en a entre, justement, on en parlait légèrement tout à l'heure, entre la peinture animée et ce qu'on pourrait appeler le cinéma image par image, la créer avec la technique de la peinture, qu'elle soit sur verre, qu'elle soit... Et finalement, dans le livre... Tu essayes de mélanger les deux, justement, même si en disant bien que c'est deux choses différentes. La peinture sur verre, image par image, ça peut tout à fait entrer dans ce que j'appelle la peinture animée. En fait, c'est pas si simple, Alexis. C'est pas si simple. Finalement, je suis partie sur des critères qui ne recoupent pas que l'aspect pratique, mais aussi ce qui sous-tend une création, ce qu'on a voulu dire, le sens que l'on y met, ce vers quoi on se dirige, le mode de partage de la création, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va la montrer, est-ce qu'on va la projeter, est-ce qu'on va l'exposer, et de là la frontière entre le cinéma d'animation, le monde de l'art contemporain, toutes ces frontières un peu poreuses en fait. Donc c'est pas si simple et c'est vraiment du cas par cas. En partant de ces différents critères que je propose et qui sont ouverts à la critique et aux travaux de la nouvelle génération de chercheurs qui viendra, je l'espère, compléter cette première étude sur la peinture animée. Donc là, l'envie, c'était de balayer, si possible, le plus d'entrées possibles, puisqu'en effet, il y a quelque chose comme le mystère Picasso, par exemple, et le rapport Clouzot-Picasso, par exemple, jusqu'à du Lynch, évidemment, plus récemment, oui. Ou ce genre de choses. L'idée, c'était vraiment, d'un seul coup, de voir toutes les entrées possibles. Justement, c'était la question que tu posais juste avant, c'est-à-dire, c'est toujours les mêmes noms, c'est toujours McLaren, Lenly. Bon. Il y a Fischinger, mais il y a aussi, effectivement, on parle de David Lynch, des gens qui sont pour le coup très connus, mais qu'on n'associerait pas du tout à la peinture animée. Et peut-être que les gens qui nous écoutent se disent « Ah bon, Lynch a fait de la peinture animée ?» Bah, ça, on ne savait pas. Voilà, donc c'était ça, un des objectifs du livre, c'était faire une sorte de mise à plat déjà pour dire voilà ce qui existe et qui, a priori, pourrait être de la peinture animée. Pourquoi est-ce que ça en est? Pourquoi est-ce que ça en est pas? Voilà, j'ai proposé un chemin avec une réflexion et une réflexion argumentée et à chacun, en lisant le livre, de se faire sa propre opinion et de sortir de ce cadre. Mais l'intérêt, c'était juste de mettre un cadre pour pouvoir installer et proposer un débat. Ne vous laissez pas abuser par le sous-titre, justement, parce que c'est ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus riche que juste Émile Reynaud. Effectivement, ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'il y a un discours esthétique sur les films, enfin, ou sur les images qui restent d'Émile Reynaud, et ça, c'est ce qui manquait, effectivement. Et puis, cette ouverture aussi sur plein d'autres réalisateurs, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que le livre est justement pas un plus intéressant parce qu'il comble quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui n'essaye pas de mettre dans une case et finalement on a quelqu'un comme Brakhage par exemple, il va y avoir des noms qui vont traditionnellement malheureusement ne jamais être montrés ou très peu en festival d'animation et qui là d'un seul coup sont traités au même niveau que encore une fois Fischinger ou Lynch par exemple, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont... Est-ce que ça c'est pas l'une des forces, alors c'est peut-être pas à toi de répondre par rapport à ça, mais moi j'ai trouvé que c'était l'une des forces du livre. Oui, justement de proposer et puis d'avoir une théorie, entre guillemets, et de proposer une définition et de proposer un corpus de réalisateurs. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais au contraire, justement, c'est ce qui force le débat et la discussion sur ces auteurs, sur ces réalisateurs-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant, enrichissant. Et on se dit, bah oui, j'avais pas forcément pensé à ce point de vue-là, ou ça m'a donné envie de voir aussi des films que j'avais pas vus ou des choses que j'étais passé à côté aussi parfois. Donc vraiment, ça ouvre sur plein de possibilités qui sont vraiment intéressantes. Et pour revenir sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui est sur le livre qui a trait au cinéma d'animation, moi j'avais eu envie, parce que je ne savais pas que je finirais par un livre qui serait édité chez L'Harmattan, j'avais prévu un DVD justement où j'avais avec des extraits des réalisateurs dont je parle et sur qui j'écris, et puis avec les interviews filmées, parce que j'avais filmé les interviews, c'est un appel aussi, il y a de quoi fournir un support visuel avec ce livre, parce que c'est vrai que ça manque, on aurait vraiment envie, si ce n'est de voir des images de peinture animées, au moins d'avoir des références visuelles. Comment on raccroche, comment on raccroche son travail là d'écriture et son travail de plasticien, son travail de cinéaste? Est-ce que des fois on se pose des questions en disant bah tiens, un tel il a fait comme ça, c'est-à-dire qu'on accumule un savoir énorme. Comment on retravaille ses films après? Est-ce qu'il y a eu un autre film? Pour l'instant, sur Internet, j'ai vu que ça s'arrêtait en 2011. J'ai vu qu'il y avait des pubs, il y avait des choses un petit peu différentes. Oui, il y a des choses en 2011. Je savais que tu allais me poser la question, Alexis, donc je les ai amenées. Notamment, il y en a un assez récent qui s'appelle Cosmic Cells, qui est sélectionné dans un festival. Je vais vous donner ça parce que c'est bientôt un festival de films écologiques. Comme quoi, okay. Le cinéma d'animation peut se retrouver partout. C'est le festival du film de nature et d'environnement à Dompierre-sur-Besbrock. C'est dans le centre de la France, au-dessus de Clermont. Et ce sera le 31 mars. Voilà. Donc, il y a eu d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai raccroché mon travail à cette démarche qui a été... À la base, je voulais pouvoir... avoir un discours qui soit en accord avec la conception de la peinture animée que j'avais et ce que je voulais faire. Finalement, je me suis retrouvée à faire un livre manquant, c'est-à-dire que c'était pas forcément le livre que j'avais imaginé, et parce qu'il y avait rien eu avant, j'ai fait le livre qui est en ce moment sur le marché. Mais je raccroche pas forcément je parle pas de mon travail dans ce livre. Et ma production n'a pas changé, si ce n'est que je me suis sentie comme partie d'une grande famille, alors que souvent, dans l'animation et dans l'écriture aussi, et dans la recherche académique, on se sent un peu seul. Et en fait, là, on se sent comme une petite goutte qui fait partie d'une grande vague pleine d'énergie. C'est-à-dire que voilà, on se sent proche de tous ces cinéastes qui ne sont parfois plus de ce monde. Et on se sent une fusion avec tous ces personnages. Je pense que ce qui est important, enfin moi je trouve que c'est un livre au-delà de la peinture animée, c'est pas pour parce que t'es là, mais que je trouve important pour ça, c'est justement le fait, moi j'ai souvent râlé par exemple de pas avoir en effet du braquage par exemple à mes étudiants ou ce genre de choses, et de pas avoir justement ces noms-là aussi dans l'animation, dans l'idée d'animation comme technique image par image, et même si on l'a travaillé de manière complètement différente. Et après, alors c'est très intéressant, c'est pour ça que je parlais entre la peinture animée, qu'est-ce que de la peinture animée comme œuvre réellement filmique ou non, tu poses plein de questions qui mériterait largement plus de développement que le temps qu'on a là et qui était sur la peinture. J'avais 40 minutes avec Sophie et on va plus avoir que 20 minutes, ce qui est l'arrange parce qu'elle voulait pas parler, mais moi ce qui m'embête, sauf avec un peu de chance si l'émission la prévient pas, mais c'est, ça m'étonnerait. On peut toujours rêver. Donc, oui, il y a toutes ces réflexions-là. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est parce que tu viens aussi à... le fait transcender, en fait, on va dire, en tout cas, de pas rester dans les frontières, ouais, transcender. Le fait de pas être dans les frontières, forcément, le fait de venir de la peinture avant, est-ce que ça, c'est quelque chose d'important? C'est-à-dire que tu as pris tous ces cinémas-là, d'abord dans cette envie de peinture que tu as eue, plutôt que dans l'envie du cinéma et dans l'envie de la pellicule? Je ne sais pas si c'est important, en tout cas, ça coulait de source pour moi, et je sais que ça a été apprécié par notamment mon jury de thèse je sais que j'avais eu un commentaire d'un des professeurs, lequel était-ce, qui disait justement que c'était éclairé par une pratique de plasticienne et que ça en faisait quelque chose d'intéressant, parce que c'est dommage de parler d'image sans vivre l'image et en restant vraiment en rat de bibliothèque que dans le livre. Donc oui, je pense que ça nourrit un travail d'écriture. Est-ce que quand elle est prof, en tout cas quand elle est intervenante comme ça, elle mélange les deux, Florentine, toi qui as été son élève pendant quelques heures à un moment donné? Elle était plus, on sent que la plasticienne derrière. Mais bon, là, elle nous a. Ce qui était très bien dans ce que j'ai suivi comme stage, c'est qu'on refaisait la thèse en fait un peu avec elle, parce qu'on avait le cheminement qu'elle avait eu. Bon, bien sûr, en 2-3 jours, donc c'était pas le même, mais avec elle, donc on arrivait à des conclusions. On n'était pas forcément tous d'accord avec, mais on avait l'émerveillement un peu de se questionner sur des choses où on ne serait pas du tout posé la question. Pour nous, la peinture animée, bon, bah, surtout pour ceux qui venaient, il y avait un peu de tout dans les étudiants, ceux qui avaient fait de l'animation avant. Nous, c'est Florence Mirai. Enfin, bon, on a un peu peinture animée, c'est ça. Et c'est vrai que se poser des questionnements, c'est très intéressant et ça faisait. On a eu l'impression de, on a fait travailler nos méninges, c'était super agréable. Mais voilà. Oui, parce qu'on a l'impression. On a l'impression qu'il y a plus en fait pour clôturer malheureusement trop rapidement. On a l'impression que c'est vrai quand je parlais de dessin tout à l'heure que très rapidement les. Est-ce que c'est par rapport à voir ça, c'est une grande question par rapport à des fois au dessin qui est plus petit. Cette idée de mouvement, j'ai l'impression qu'il est, elle est moins forte chez les peintres. De voir absolument à l'époque, hein, je parle pas maintenant, non. Alors là, non mais faut que t'ailles en stage avec elle. Non, mais alors Alexis, stage sur la peinture animée. Non mais elle est fondamentale. J'ai moi-même, mon père est peintre et travaille sur le mouvement dans la peinture, et donc je comprends très bien. Et mais je me dis justement, est-ce que puisqu'il y a déjà ce travail, il peut déjà y avoir ce travail de mouvement à l'intérieur du cadre de la peinture, et on peut jouer sur ça, c'est-à-dire qu'on peut se mettre devant une peinture, en effet, voir plus facilement, quelque part, le mouvement créé. Est-ce qu'il y a eu moins besoin pour certains artistes de se lancer là-dedans, alors que beaucoup de dessinateurs, tout le monde, hein, Cole, Winsor McKay, etc. Je vois là où tu veux en venir. C'est-à-dire que si je t'ai bien compris, vas-y. Le mouvement serait inhérent à la peinture, alors plus que facilement, tu ouais. verrais la fixité plus reliée au dessin. Oulala, vaste débat. Oui, c'est pour ça. Florentine pointe l'horloge. Ouais. Mais en tout cas, juste pour rebondir sur le stage, donc il y a eu effectivement un stage qui était AFDAS, donc était oui. destiné aux intermittents du spectacle, mais qui a accueilli d'autres étudiants, dont Florentine. Donc c'est un stage sur la peinture animée qui sera reconduit cette année, vraisemblablement. Par des temps plus chauds, donc pas dans les mois à venir, mai, juin, juillet. Donc si jamais ça vous intéresse... On en reparlera, on fera l'annonce. Et vous, ouais. En plus, pour ceux qui veulent vraiment se donner l'envie, vous pouvez voir l'essai de Florentine, ce que Florentine a fait sur son site. Et normalement, ça devrait donner envie. Non, c'est vrai. Voilà. Merci. Et donc du coup par contre ce sera plus avec Artesi qui était l'organisme qui sous-tendait le stage, donc il faut passer directement, vous pouvez aller voir sur stéphanievarela.com. Voilà.